Cette nuit, je n'ai pas dormi. Ce matin, je suis de sortie. Quelques marches et hop, en voiture, nous partons en villégiature pour rire et manger à foison dans cette accueillante maison. Mon cœur palpite sans raison, comme dans ma jeune saison. Cette nuit, je vais bien dormir, dans un beau rêve, m'assoupir. Tant pis, je n'ai pas fait mon lit, c'est le jour des courses aujourd'hui. Rendez-vous avec le caddie. Ma liste en poche, pas de folie. Formes et couleurs me font de l'œil. Avec ma liste, je les accueille. Mais je fais vite, car le temps passe. Je me débrouille en grande surface. C'était les courses aujourd'hui. Ça me change un peu de mon train de vie. Est gris, je ne sais pas. Soleil d'automne, ne t'en va pas. Je n'y vois rien, c'est un peu sombre. Comme à l'aveugle, j'avance dans l'ombre. Mais c'est pas grave, je parle, même si ça gave, je parle. Au foyer, je vais déjeuner, avec d'autres, j'aime discuter. Parler du temps qui fait, parler, qu'importe le sujet, parler.